la terre bénissait son nom, et rien ne lui était inconnu du monde. Il comprit le néant. Soir est descendu, vous savez ce qui s'est passé, c'est d'être trop sage qu'il a perdu. Bienheureux qui sait s'en garder. Où est César, l'audacieux? Qu'en est-il à adoré à l'égal d'un dieu, un jour poignardé, c'est bien connu, percé, mourant, il pousse un cri. Quel cri perçant, toi, fils aussi. Et puis le soir est descendu. Vous savez ce qui s'est passé, c'est sa trop grande audace qu'il a perdue. Bienheureux qui sait s'en garder. Où est Maquis, le surineur? Sa vie tient à un fil. Tant qu'il fut sage, que fit-il? Il sut rester le roi des voleurs, béni, choyé, comblé d'honneur. Mais un beau jour, il donna son cœur. Le soir n'est pas encore venu, gare à ce qui va se passer. Ses sens et son cœur, hélas, l'ont perdu. Bienheureux qui sait s'en garder. C'est-à-dire à 6 heures, il faudra qu'il soit pendu. Préparez tout. Depuis un quart d'heure, toutes les rues de la ville sont si noires de monde qu'on ne peut plus arriver jusqu'ici. On y trouve toutes les couches de la population. C'est curieux, ils savent déjà. Si ça continue, tout le monde le saura dans un quart d'heure. Alors tous ceux qui voulaient aller au couronnement rappliqueront ici. Et la reine traversera des rues vides. Raison de plus pour en mettre un coup. Si nous avons terminé à 6 heures, les gens auront encore une heure pour arriver au couronnement. Travail. Fils, quelle heure est-il? Vous savez pour lire? 5h04. 5h04. Smith, il est dedans. Vous voulez le voir? Non, non, grand Dieu, pour rien au monde. Débrouillez-vous tout seul. Bon, Smith. Je ne vous dirai rien. Alors, pas question de corruption, rassurez-vous. Et oui, je sais, si vous voulez s'y acheter, il faudrait que vous quittiez le pays. Vous ne pourriez pas faire autrement, hein. Il faudrait que vous puissiez assurer le pain de vos vieux jours. 1000 livres, hein, ça irait. Ah non, dites rien. Sortez un instant. Réfléchissez sérieusement. La vie est dure, hein, et l'argent ne pousse pas tout seul. D'ailleurs, je ne sais même pas si je pourrais avoir cette somme à temps. En tout cas, laissez entrer tous ceux qui veulent me voir. Ça ne rime à rien, monsieur Maki. C'en est fini, prenez pitié de moi. S'il vous plaît, mes amis, prenez pitié. Maki ne fait plus de festin de roi. Dans une sombre fosse, on l'a jeté. Dieu permette qu'on entende son cri et fasse qu'on le retire d'ici. Des murs épais le plongent dans la nuit. Vous danserez quand il sera parti. Il faut l'aider aussi longtemps qu'il vit. Laisserez-vous là le pauvre Maki. Eh bien, mon vieux, vous avez pitié comme un rançon. Et depuis que le capitaine est là, c'est moi qui engrosse ces dames pour qu'elles touchent les allocations. Ouais, faudrait être un cheval pour tenir à ce régime. Faut que je parle au capitaine. 5h25. Vous avez mis le temps? Bah, après tout, il fallait pas... Après tout, on va me prendre, mon Dieu, hein? 5h28. Bon, soyons brefs. Combien pouvez-vous retirer tout de suite de votre compte personnel? De notre compte, à 5h du matin? On est vraiment là? 400 livres, ça irait? Bah oui, et nous, c'est tout ce qu'on a. Mais qui est-ce qu'on va prendre? C'est vous, c'est moi! Et qui c'est qui va coucher avec celui qui tourne au lieu de se défiler, hein? C'est toi ou c'est moi? Hein? Qui c'est qui va coucher avec celui qui tourne au lieu? Alors, ta jeune, quand tu sais plus avec cette salope qu'on se coucherait! 5h30. Mathias, faut que nous fassions quelque chose? Monsieur Brown, vous faites demander ce que vous voulez pour votre dernier repas. Laissez-moi tranquille! Alors, Mathias, tu veux ou tu ne veux pas, hein? Des asperges. D'abord, je ne me laisserai pas engueuler comme ça. Je ne t'engueule pas seulement si à cause de... Bon, allez, Mathias, on va y aller, sinon ça servira plus à rien. Allez, pourvu qu'on arrive à passer, toute la racaille de la ville envahit les rues. Si vous n'êtes pas là, 6h25, vous ne me reverrez plus. Vous ne me reverrez plus. Ouais, sur les verrouins. Alors, ça marche. 400 livres. Vous avez porté le savon? Oui, mais pas le bon. 10 minutes, ça devrait suffire pour monter l'appareil. Mais la trappe fonctionne pas. Débrouillez-vous, il faut que ça se fasse. Ça vient de sonner pour la deuxième fois. Oh là là là là là. Quel bordel. Oh.